le macadam, gris et bleuté de la station, désaffecté. Viens avec moi, mon petit canard, viens visiter mon lupanar. Il y a le fantôme du mécano qui cache encore ses revues porno dans la dépanneuse oubliée, qui pourrit derrière l'atelier. Les pinces-oreilles ont fait leur nid entre les vieilles photos jolies de tous ces couples qui nous invitent aux tendres et bas sodomites. Derrière la cuve à mazout, à l'abri des regards de l'autoroute, offre-moi tes fesses exquises et permets que je m'y introduise.